Le mardi 6 décembre, ici Dominique Lelièvre et les informations. Le projet d'espace pour les tout-petits dans le quartier Limoilou est toujours en vie malgré la vente de l'autre caserne. Le coordonnateur de l'initiative 1-2-3-GO a confirmé à CKRL que des négociations étaient en cours pour réaliser une partie du projet à un autre endroit dans le quartier Limoilou. Cette nouvelle mouture pourrait cependant ne pas inclure de garderie, leur partenaire de la petite enfance ayant subi des coupures du gouvernement provincial. Rappelons que la Ville de Québec a confirmé hier avoir vendu à un promoteur privé l'ancienne caserne de pompiers située sur la 5e rue à Limoilou, ce même lieu où l'initiative 1-2-3-GO souhaitait depuis 2010 créer un espace pour la famille. Le nouveau propriétaire entend plutôt y créer un incubateur d'entreprise. La médaillée olympique Dominique Maltais prend sa retraite. La planchiste de 36 ans explique que ses ennuis de santé n'ont pas diminué malgré une pause d'un an. Malgré ses efforts, l'athlète, originaire de Petite-Rivière-Saint-François, dit être toujours importunée par ses maux de dos. Dominique Maltais détient une médaille de bronze des Jeux de Turin en 2006 et une autre médaille d'argent à Sochi en 2014. Elle compte également près de 40 podiums en Coupe du Monde et désormais elle entend se recentrer sur les conférences et s'impliquer dans des programmes de sport-études. Enfin, les résidents de Lévis sont une forte majorité à se dire exaspérés par la congestion routière. Selon un sondage léger, 70% des résidents sondés jugent inacceptable le niveau actuel de congestion routière. Quant aux solutions, ils sont plus nombreux à préférer le troisième lien. 87% des Lévisiens sont en faveur d'un troisième lien routier entre Québec et Lévis. Ils sont également une majorité à préférer une telle construction à l'ouest, près de l'île d'Orléans, à l'est plutôt, et non pas à l'ouest, près des ponts, comme l'a suggéré le maire de Québec, Régis Labourme. Quant au service rapide par bus, eh bien 54% des Lévisiens affirment y être favorables. C'est une baisse de 14 points par rapport au dernier coup de sonde. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. À la météo, eh bien, on a moins 4 degrés présentement à Québec. C'est partiellement nuageux. Le mercure devrait grimper jusqu'à moins 2 aujourd'hui. Demain, mercredi, de la neige et moins 1 degré. Jeudi, moins 2 degrés avec 40% de probabilité d'averse de neige. Et le retour du soleil qui surviendra vendredi. Il fera moins 5 vendredi et la fin de semaine s'annonce ensoleillée également.